Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. Dans cette édition de La Connexion, des pirates provoquent des coupures de courant. Un couple poursuit le métro de Shanghai pour un baiser diffusé sur Internet. La Chine part en guerre contre les jeux massivement multijoueurs. Et une imprimante qui imprime sans encre. Tout ça et plus tout de suite, c'est l'heure du jeu. Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. En ce jeudi 24 au mardi 29 janvier 2008, je m'appelle Mathieu Plante. Deux heures, des choses qui vous importent, des choses qui vous intéressent le plus. Dans quelques secondes, ça va être le fil informatique. On va parler de Windows 7. Est-ce que Windows 7 sortirait en 2009? Et du cellulaire et du sommeil qui apparemment ne font pas bon ménage. Tout ça dans le fil informatique. Mais avant, voici une pièce de Le Husky. Ah, c'est fou 89 FM. Sans moi, tous les beaux moments je ne les goûte pas. Celui qui vous parle c'est un autre que moi. Si je suis vivant, eh bien je ne sais pas. Où que j'aille, je ne suis jamais à ma place. Mes sourires semblent plus à des grimaces. Et porter un masque, je trouve ça dégueulasse. J'en ai plus qu'assez de traîner ma carcasse. Chanter les filles sont belles. Et j'avais des rêves grands comme des gratte-ciels. Mais les choses maintenant ne sont plus pareilles. Bientôt sera venue l'heure du grand sommeil. La lune est pleine, je pleure comme une fontaine. Couché à côté de l'auto américaine de mes parents, je suis sûr et qu'ils m'aimaient. Mais le monoxyde commence à faire effet.